المجد في الكون. Ouais, très satisfait. Je pense que avant le match, on a des, personnellement, j'avais le défi de la ligne offensive. Je pense que tout commence par la ligne offensive. On a le défi de donner du temps à notre carrière puis de, et de bien bloquer. Je pense que ça a ouvert vraiment le jeu au sol et aussi la passe. Donc, ça permet à notre offensive de jouer à son plein potentiel et ça permet à l'offensive d'être fraîche et avoir des bons effectifs frais pour jouer en défensive, donc on est très, très content. C'est sûr, l'avantage du terrain, dans votre cas, c'est un facteur extrêmement important. Certain que nous, on a des très, très bons fans. C'est la meilleure place à jouer au football universitaire au Canada. Je pense qu'on leur doit ça, autant que possible, de jouer deux matchs à la maison, s'assurer de la possibilité de deux matchs à la maison. Et c'est un grand plus pour nous. Jamari n'a pas été un facteur? Je pense qu'il y a beaucoup de crédit qui revient à Marc Fortier. Marc Fortier a fait très, très bon travail pour préparer la défensive, autant stratégique que motivationnel. J'avais des petites choses de motivation cette semaine qui nous a permis de jouer 12 joueurs, pas nécessairement juste sur Jamal, mais fait un très, très, très beau travail. Un match Jouroujéor cette année ne pourrait pas être un match Jouroujéor sans blesser. Éric Miranda, qu'est-ce que c'est? Éric Miranda, je dirais que c'est pas trop sérieux. Par contre, quand il s'est sorti du match, je pense qu'on a gagné par 34 à 7 ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est plus par prévention qu'on l'a sorti. Certain qu'on espère que c'est rien de trop sérieux. Il y a votre batteur aussi qui a eu un match assez extraordinaire. Hein? Oui, il fait des belles affaires. Christopher, je pense qu'il y a une couple d'erreurs de placement de ballon. Par contre, comme le retour de beauté, il n'y a pas le choix de beauté à ce gars-là au milieu de terrain. Et la pire affaire que tu peux faire, c'est mettre le ballon au milieu. Il sait, à part de ça, il a vraiment joué un match impeccable. César, 25 en 31 ou en 32, ouais. C'est solide. Très solide. Je pense que, écoute, si tu donnes soit tous les carrières qu'on a ici, César, Bruno et Benoît, si tu leur donnes le temps de passer avec les receveurs et les jeux qui sont appelés de Justin, c'est vraiment, si on a du temps, les carrières vont bien faire. Mais encore une fois, c'est un gros travail de Caesar. Et la ligne offensive mérite le crédit qui est dû. Comptes-tu déjà reposer pas mal d'effectifs la semaine prochaine? On va voir le bilan médical en premier, ensuite on va s'asseoir comme équipe et voir ce qu'on veut faire avec ça. C'est important pour nous, on aimerait avoir une saison parfaite, mais pas n'importe quel prix. Pour nous, c'est l'important d'avoir des effectifs fraîches et en santé pour les séries. Est-ce qu'on s'attendait à un match plus serré contre les Gators? Certains. Je pense que leur front défensif était très, très tenace. Aujourd'hui, c'était peut-être pas leur meilleur match. Mais on s'entendait une bonne prestation de leur part, mais chapeau revient aux joueurs. Les joueurs ont très, très bien travaillé. Je pense que Bishop a réussi avec beaucoup, beaucoup de confiance. Et ils sont heurtés comme une très, très bonne équipe. Mais je sais qu'ils ont beaucoup de caractère et je m'attends à une autre performance si jamais on se croise en série. D'être l'équipe qui a consommé moins de verges cette saison, c'est une fierté. Tout le temps. C'est vraiment un running back exceptionnel. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de vitesse. J'en regardais comparé à toutes les équipes qu'on a vues sur film. C'est une de nos forces, c'est une de nos marques de commerce que nous, d'Adario, le jeu au sol. On est très content de pouvoir continuer dans la même lignée. C'est un gars qui est quand même un très, très bon porteur de ballon. 24 pour mes chansons.